Je disais donc bâtard de merde, oui, c'est tout à fait cela. Nous sommes le vendredi 20 avril 2012 et c'est la merde. C'est la merde. La grosse merde. So, just saying, fuck us, fuck everything. Yeah, baby. Woo! Wagon de boogaboo, fuck, fuck you, fuck me, fuck everybody. Allez, on coupe cette merde. Wagon de boogaboo. Allez, c'est vraiment de la merde, j'aime pas le raga. Même pas les muffins non plus. Voilà, les muffins. Les muffins, bleh. Ça sort par le même trou que ça rentre, quoi, tu vois. Ouais, je vois bien, c'est pour ça que j'aime pas les muffins. Ah, c'est cool, regarde. Ah, génial. C'est génial. Ah, c'est pas radiophonique, ça. Ça, c'est pas radiophonique. Oh, ça fait feuilleton radiophonique. L'installation. Ouais, c'est ça, c'est l'installation en live, direct, cash. Crotte de nez. Ah merde, mais c'est quoi ça? Il y a une prise de prise. Ah, il y a quand même une prise de pas prise. Canal Sud 92.2 Mégahertz. Mégahertz. Ah tiens, en parlant de mégahertz, tu peux bien m'aider? Ouais, j'arrive. Non, j'arrive moi. Le silence est d'or. Va dormir. Ça manque d'organisation, c'est terrible. Ça, c'est la faute aux fautifs et aux fautives. Falsification de merde. Bing. Bing, baby. Bing. Anal. Vas-y, tout c'est grave, quoi. Incorrectement politique. Ouais, c'est ça qu'il faut. Franchement, chier. Dieu existe. Fiante d'anus, toujours permissif et très persuasif. Létif, putain, mais je suis niaille. Zeleton Dutch. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne. Michael Lich, Malcote, Belloc, nous. Ça y est, non, je suis pas si niaille que ça. I'd like to say something, please. Let's say something, please. Please, let me say something. Fuck up, stupid motherfucker. I'm not gonna say anything here. Hear me, yo. Lordeth to sayeth the regardus. Attends, je cherche quoi? Attends, moi j'en chie, alors s'il te plaît, me dérange pas. Tu me coupais en pleine mini phrase. Je cherche quoi? Mais je sais pas, mec. Attends, Regadurth, j'étais à Regadurth, tu sais? Oh, ça va pas, ça. Faut recommencer maintenant. Tout, on recommence, on repart à zéro. C'est fini, c'est reparti. 0000000. Oh, ne dis pas 7, quoi, mec. Ne dis pas 7. What mille? What mille? 5000. 5000. Oh, email. Oh, email. Email. Non, vrai, qu'est-ce que je cherche en plus? Je sais pas, hein, depuis tout à l'heure, tu cherches un truc et j'ai pas l'impression que ce soit. Ah, les lunettes! Ah, tes lunettes? J'ai pas de lunettes. Parce que moi, je fais yeuve. C'est pas un métier. Hein. Non, c'est pas un métier. Faut pas arrêter de toucher ça. Faut continuer. T'sais. C'est la meilleure chose à faire. Putain, Ziva. Wesh. Ouais. Pisser les vrais les bannes sécu. Ah, pas en pisser, ouais. C'était justement ça qu'il fallait dire. Putain, mieux que la défonce, hein. Tu portes des lunettes, je te le dis. C'est mieux. Ah ouais, la défonce, c'est de la merde. Ouais, des c'est lunettes, de la daube. De la 3D et tout. Ah, ça y est, j'y suis, je m'entends maintenant. Putain, t'es... Je m'entendais pas. Oh. T'as une feuille de A4. T'as une feuille de A4, on dirait de la HD. Putain, non, mais t'es trop fort en fait. Il faut que tu le baisses. Où l'on raconte ce qu'on y lira. L'important, c'est pas d'avoir une grosse bite, c'est d'avoir des couilles. J'ai tout fait mon désir anal. Courant est perdu. Courant est perdu. Le marchand de sable. C'est le fautif. Pas de regard triste ce soir. Pas de douceur, non. Que de la merde. Ouais, c'est assez de tout. De plus petite faim caramélise la bite du marchand de sable. C'est le silence et dormir. Jouir. dégénérés se sentir libres parce que mortels. Hétérodose. Tonitruante. Espèce de prophète en néoprène. Rien dire, autant le clamer. Des rivières au fond de la salle. Du couloir, je veux dire. Couloir de la mort. Champ de concentration. Consanguinité. Oh, consanguinité. Pastis, pastaga, jaune, mauresque. Tu veux passer le staga, s'il te plaît? Tu veux passer le staga, s'il te plaît? Non, c'est pas ça. Les chiottes sont au fond à gauche du couloir. Couloir de la morgue. Un travail minimaliste ce soir. J'ai oublié mon clavier. C'était l'instrument le plus important de tout mon set. Et donc je suis niqué, et donc je fais de la merde, comme d'habitude, vous allez me dire, mais une merde vraiment. C'est ça, hyperdermique. De la merde merdique. Ouais, une hyperderme. Hyperderme, hic. Un hyperderme, hic. Hic. Hic. Hic. Wouh! Talking about, I mean, it's like it's glory, man. C'est la gloire, ouais. On va tous crever, ouais. are we going? Where are we going? Question! It's a good question! Yeah! Yeah, do that! Woo! Il y a du super matos à Canal Sud, c'est génial, merci. Mais j'ai pas de CD. Bleu quoi. Mon gros nounours, hein, t'es où? Prends-moi. Prends-moi un nounours. Ouh, t'es qu'un gros nounours. Tu veux un nounours? Eh ben t'en auras pas parce que c'est nuisance. L'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances, c'est la merde. Ça y est, c'est pour vous ce soir, en direct live, sur la radio Canal Sud 92.2 FM. Oui, j'ai encore cotisé, je sais, désolé. Ou canalsud.net. Thank you. J'ose à peine me relire, Pimprenelle. Ah, c'est une tradition, excusez-moi. J'interromps les gens en rotant à leur gueule. Water's Eye. Vivres-tu? Vous sentez le moisi? Là où le chancy, à la manière de l'offensive éponyme, nivelle le tout au ras de la moule. Peine perdue, Nicolas. Navrant, inconséquent, dans l'œuf, comme une mouillette. Point d'alcool. Ça, on peut le faire. À surnager l'éther, patauger dans l'immondice du disciple. Je sais pas, de la merde. C'est sûrement de la merde. Pourtant, j'invite les gens, moi, c'est quand on en a. T'en veux. Je suis la merde. Écoute la merde. Je suis la grosse merde. Qui te pue à la gueule. Excuse-moi. Être une grosse merde qui te pue à la gueule. Pardonne-moi un jour. J'espère que je mourrai avant que tu me pardonnes. Cara al culo. Vas-y, appelle le 115. Appelle le 115. Auto-victimisation par autoconviction. Auto-manipulation de l'autocomplaisance. Je crache. Je lâche un paix. Au chaos, au chaos. Du bout des lèvres, animiste, divin, vie de rêve, verre de vin. Je suis Ozo. Je suis Ozo, il y a des animaux. C'est rassurant. Tel cet ami, ce tyrannique Tony. Involontaire jouet de tonique tanin. C'est dire. C'est toujours l'antépénultième. Le dernier coup étant toujours trop triste. C'est toujours trop, trop pour se finir. Se fondre, facile, finir lynché, trempé et frappé par les fraîches thermies du contenu givré d'un seau de champagne jeté par la patronne. Me calmer, non. Je refuse d'écouter le faisant des ramassis d'ineptie analgésique du sac à vin farci comme un perse assis à mes flancs. Plutôt que de pousser ce cri qui tue, tombereau de bile, fiel, mauvais esprit, servi si souvent par écart. Qu'on se ressasse, qu'on vomit à l'encan, sans penser qu'il implique nous faire exploser la tronche, trash, en tranche, par un direct, parodontal du patron, à la porte. Déclive la pente à vous rendre horizontal, haletant, horizontal à l'envers. J'ai reçu un appel. Horizontal de travers. C'est bientôt la bête. Épuisé, groggy. Ça y est. C'est la merde. Thank you. t'aime comme au premier jour, plus que jamais toujours. Je voudrais tant, je veux tellement t'avoir jusqu'au bout. Tout entier, entièrement, complètement, et en m'emmenant. Tu ne m'emmèneras jamais en bateau, à pied à terre. Je te souhaite toutes les journées, toutes les heures, tout le temps. La spatialité de l'espace m'envahit quand je te tiens, tu me veux. Tu es plus encore que moi, tu me dépasses, je t'entends à peine, sachant que partout où tu vas, étends la voix. L'on se souvient du tout, tu n'es rien pourtant. Pourtant de là, ayant la foi, je t'entends pleinement. Se m'envahit tant de fois l'heure, l'instant est dépassé. Un seul instant avec toi, le bonheur n'existe plus que comme artifice, illusoirement. Envahissance exécrable, te trouver revient à ne jamais te perdre. Des fois, je me demande si tu n'es qu'une lumière, le tunnel, la cyprine, le sperme, le sang partout, laisse la chair sauvante. Abandonné par la lune, dépassant l'azur, les objets se fondent. La masse obscure est claire à présent. Tu es la mort, être la chose. La mère ta pute. Cette chose, l'avoir dans les mains, dégoulinante de sueur. Traversé de part en part, le mur ne se fondra plus en territoire. Laissé pour compte, vaincu par la majesté de la gloire. Gloire, ne pas dormir, dormir, encore une faute. Je te vois, défaillance même, tu m'abandonnes. L'ai-je déjà dit, ce souffle, ça souffle, quelle différence. Toutes les fois vu au travers de la loupe, agrandi, rétréci, agrandi, rétréci, toujours la même. Truc laissé sur le côté pour passer à autre chose. Machin, machine, machine là-bas, au loin, la même encore, le même plus fort. La torpeur invisible vient d'elle-même, laissée pour compte, lassée de tout. Le total des totaux totalise la semence floue. Une tache brune de malt de houblon laisse tomber le mouron. La somme des sommités envahit les marches, le podium évanescent s'évanouit. Comment percevoir quand percevoir ne signifie plus que prévoir, l'aveu oublié, la vérité conjuguée. Les trois fois x trois ne s'additionnent que le mardi, un jour passé, dépassé, non encore fini. Pas encore retroussé, les manchettes se souviennent de mon visage, comme je les ai oubliées. Pas plus, pas moins, dépassé sans dépasser, encore une vie, retenue sur la différence. Le bois rance fait du bon pain de nuit. La dernière vision dépasse le trépas. La première télévision m'envahit, le débat. Je préfère voir la gloire. Celle-là ne m'abandonne pas. Elle est là, là-bas, le point nommé. Je te laisse, chien. Ah! Ceci symbolise la bonté, la béatitude, l'espérance, la transversalisation, la sénescence et la mort. Donc il y a du whisky ce soir, il y a de la bière, il y a aussi des chips à la carotte et à l'artichaut. Également, je vous propose une petite chipsouille au radis noir, appréciée. C'est bon, hein? Hier soir, on était au courant, tout s'est passé si vite. L'habituel. Des nouveaux arrivants sont arrivés, évidemment. Un paquebot s'est échoué au bord de l'ignorance. Nos sens sont en effusion, tel le sang de victimes ou de pacifistes ignorants. Je hais les poètes. Je hais la nature. Je suis et je voudrais rester. Ouais! Le gouvernement français, après avoir demandé la réponse, connaît maintenant les conditions demandées par les médias. Il résulte de ces conditions que les forces françaises de terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisées. Le nom d'armes serait livré. Fais-moi un bisou sur la bite, fais-moi un bisou sur le cul, fais-moi un bisou sur le vote. Oh merde, que j'ai dit. Les votes, c'est pour les mous. La guillotine, ça vaut bien mieux. Ouais, respecte le fascisme. Je trouve que le nazisme, ça a du bon. Ouais. On dirait... Non ? Ah ouais, faudrait faire un truc comme un peu genre comme Douaniers sans frontières. Un truc comme Douaniers sans frontières, tu sais comment un truc justement save the fascisme, mais non pas ça, aid the fascisme. Ah oui, je connaissais une très bonne justement Skinhead, offre-leur un cerveau. Ah, elle était très bonne celle-là. Ouais. Hey, Skinhead, ouais. offre-toi c'est un clair. Cerveau. Ouais, les nazis. Ils ont bonne aide, pardon. Ouais, les punk fuck off, les punk. Spécial dédicace aux skinheads, en fait. Non, bonne aide, bonne aide. Ouais. On fait leur un cerveau. Spécial dédicace pour les nazis, ouais, comme nous. On est des gros fachos, on aime les fachos, ouais. Ouais, allez. Wouh! C'est le consensus, tout le monde en sus. Vivres-tu ? Ouais, c'est comme les rotules aussi, ça tue, putain. Les rotules. Les roturiens. Un danger extrémiste pointe ! Vous tachez vos culottes linceuls ! Vos sexes roses se sont salis ! Une vraie nature vous est étranger. Matière à chier de vos religions carbonées. Pute salope. C'en est trop de croire. Croac, croac. Baltringue. Allez, viendre. À la maison, on va boire un coup. Tête bêche. Vive la France! Vive la France libre! Être mettre ce petit cul offert au monde que nous sommes toutes. Ravaler au rang d'objet. Refaire le monde, rester stoïque. Saler le laisser faire en salaison. Plisser les narines. Oublier qu'il me prend, qu'il me remplit par le fion, qu'il m'abîme par le fion, qu'il me rabaisse en abyssal. C'est du fion. Elle, c'est pas mieux. Dans mon anus, c'est pire. Pas un fion dans l'anus doré. Monde social sonne des névroses. La crosse intrafamiliale. Soumission au père. Soumission à la mère. Couille. Soumission au pouvoir. Pouille. Chouille. Rouille. Je reviens à... Touche pipi pornographique généralisée. Couille de merde. Le sexe comme dernier refuge. Obscénité organisée. Me branler. Ouh. Ouais, vas-y, ouais. Trouver un amant. Un aimant. Écrire, c'est revivre déjà mort. Enfin mort, mais... À la terminaison de mes nerfs optiques. N'importe quoi, mais qui se taise ? Mais qui se taise ? On va envoyer la police ! Ah, la police libre de la France, libre, ici, ici. Où sont les vrais Allemands, là ? Ceux qui savaient qu'ils allaient vivre. Ceux qui connaissaient la littérature, le monde, est-ce que devaient faire les gens? Le totalérisme, le vrai, les bons là, ceux qui étaient forts et grands et blonds et les yeux bleus. Ouais, c'est ça qu'on veut, c'est du bon à rien, ouais. Ouais. On veut du bon à rien, nous. Ouais. Je suis pas rentable. C'est ça qu'on veut, on veut des nous, merdes. On veut tout dans rien. Mais on veut rien faire pour tout avoir. On veut ça, ouais. Mais on veut tout avoir du rien. Ouais. Vas-y, la France. Vas-y, tombe les tendus. Ouais. Le fion. Je suis de celle-là. De cette marée de flux. Ils me raffermissent les fesses et les cuisses. Un pavé de bœuf, quartier latin, sauce au keuf. Ah ouais, c'est les érections. Non, il faut pas en parler. Oui, oui, je sais. Non, je pensais, c'est un truc qui me revenait là, une république viticole ascendant brassicole. De quoi vous parlez là? De la France, de la France, monsieur, de la France. Non, j'aime pas la France, parle autre chose, s'il te plaît. Ah. Bon, il y a un problème, c'est que il y a plus de son, donc falloir qu'on meuble quoi. Donc alors, pour meubler, je vous explique. Vous dites que de la merde. Du bois, des scies, tout ça, machin. Vous dites genre merde et tout, tu vois. Je vais vous montrer. Ah ouais, ouais, c'est classe. Bite. Merde. Ah, bite, ouais. Ta gueule. Ma gueule, ouais. Ta gueule. C'est ça. Tu peux dire ma gueule? Ta gueule. Non, ça, c'est trop dur. Ça dépend des gens, je veux dire. Merde, quoi. J'aurais dû fermer ma gueule. Oh, ça va l'arsener un peu, excusez-moi, j'ai un amour pour le larsen, c'est profond. Ah putain, j'en avais une pas mal. Alors, ouais, quand même. Hey. Non, c'est pas excessif, ça. C'est... Vas-y, rappeuse tapine. Non, non, ça va, j'arrête, c'est bon. J'ai compris. Eh, vas-y, rappeuse tapine. J'ai peur de perdre de l'audition. Je ne sais pas pourquoi, si on a foutu d'entendre quelque chose ici, ça vaut pas le coup. C'est que de merde. Vas-y, rappeuse tapine. Raneuse, ma pipe. Eh, ça sonne, hein. Cyprisoïde éruption. Pourquoi pas coïde, mec? Cypricoïde, quoi, tu vois, comme coïte. Coïte anal. Ah voilà, c'est ah, ça. Ouais, c'est voilà. Coïte anal. Qu'est-ce que j'avais envie? Coïte anal, c'est ce que je disais. Ouais. Tu vois, inverse le T et le D, c'est pas. Coïte anal suspendu. Laisse-moi être ton manager. Je serai quelqu'un pour toi. Tiens-moi la main. Allons faire une promenade. Tiens-moi la main. Allons tous les deux vers le rien. Le rien, le rien. Ouais, parce que moi, si je lis, c'est parce que j'ai pas envie de dire que des conneries à la radio. Excuse-moi, quand même. Ah ouais, d'accord, t'as raison. Tu vois, je préfère parce que si j'avais pas de texte, je dirais que des conneries. Moi, j'ai écrit un texte pour vous. Et ça veut pas dire que les autres disent des conneries. Nous sommes toutes oui. Toutes oui. Là, y'a rien. Et maintenant? Attends, j'ai laissé mon texte dans le sac là-bas. Ouais, c'est bien. Ok, sorry about that. I'm so fucking sorry, man. Oh, I'm fucking sorry. Oh, hello, sorry. Can I fuck you? Can I fuck you, sorry? Yeah, baby, you can fuck me, ok? I'm baby, you're sorry. Fuck, fuck, fuck. Woo! Ouais, allez! C'est ouais, donc c'est une émission techno ce soir. Ça s'appelle Puissance. C'est une puissance sans fond. Très fond nilois. Moi, mon texte, il s'appelle Le soleil se couche sous fond rouge. Avec la dire la dada. Si tu veux. Je suis toujours prêt à modifier mon texte pour toi. Tu m'as l'air très gentil. Ouais. C'est cool. Est-ce que je peux vouloir aussi? Oui, tu veux changer quelque chose du non, titre non, de mon texte? Vouloir, je veux juste vouloir. Hein. Ah bah si tu veux, tu existes presque. Il faut que je veuille pour vouloir, quoi. Ouais, si tu veux, merde. Bah, je veux aussi. Non, c'est une merde, ça, j'y crois pas, tu sais. Tu me mens, tu me mens, tu me mens, maman. Du verbe suivre. Être. Non, le verbe sucer la pine. Sucer la bite. C'est ouais, comme quoi. Non, la pinède. La pinède, c'est un pain, quoi. C'est quoi? Sucer un pain. C'est quoi? Sucer une rigeoire. Un rigeoire. C'est du suspense. Une noctambule nomenclature. Ah, ouais, un notoire émancipatoire rien. Que de la merde. Alors, moi, je voulais vous lire mon texte. Si vous voulez bien. Ouais, carrément. Alors, mon texte, ça s'appelle... Comment tu t'appelles? Bob, c'est ça? Salut, Bob. Je suis... Tes parents sont là, Bob? Moi aussi, non. Je m'appelle Bob. Fais leur coucou. Je voudrais parler d'eux, justement. Alors, j'aimerais qu'ils ne m'écoutent pas. D'accord, bon, on va pas t'appeler Bob, on va t'appeler... Personne, ils aiment bien parler des autres pendant qu'ils sont pas là, parce que quand ils sont là, ils voilà. Ont du peur. C'est pour ça qu'on parle des gens quand ils sont morts seulement. Oui. Tu comprends, petit temps? C'est pour ça que mes parents, ils disent « Grand-père, il était pas comme ça, il était comme ça. » Et avant, ils disaient « Grand-père, il est comme ça, il est comme ça. » Et maintenant, ils disent toujours « Il est bon. » Tu parles beaucoup de ton grand-père. Non, mais c'est de mes parents qui aimeraient parler. Parce que je me rappelle une histoire. Je voudrais vous l'écrire, j'ai écrit un texte super trop profond. Non. On t'écoute. C'est un puits de connaissances. Alors, ce texte, le titre du texte, c'est quoi déjà ? Puis le, le soleil se couche sous fond rouge et pointe de violet, et je veux. C'est ça ? Vouloir. Non. Vouloir ? Il a pas dit je veux ? Il a dit je peux vouloir. Non. Je crois pas, hein. Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit je veux vouloir en fait. T'avais raison. Je veux. J'ai tout compris maintenant. J'ai dit je peux. Pardon, excuse-moi. Pardon, c'est tout de ma faute. Alors, j'aimerais ne pas saccager l'émission Nuisance, mais ce texte est très important pour ma carrière future. Dans, vas-y, saccage, saccage. Dans le production radiophonique. Ta carrière rature, c'est ça. Ta carrière rature, c'est important. Oui. C'est ça. D'accord, petit Bob. Tu peux y aller maintenant, on t'écoute. D'accord. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Pourquoi il n'y a plus de son ? Parce que j'en avais marre d'avoir ce gros truc en permanence, t'as pas envie. Ah oui, je pars dans le rouge. Mais c'est normal, ça fait partie du texte. Non, mais c'est moi, c'est ma faute. Putain, c'est toute ma faute. Ils ont vraiment pas professionnel dans Nuisance. J'en ai marre, je demande la démission et je veux mon cachet. Tu veux te cacher ? C'est quoi comme cachet ? Fais gaffe, hein. Celui un cachet. Celui qui me rend heureux et qui m'empêche de nuire aux autres. Rohypnol. Oh, t'as pas du Prozac. Alors. C'était l'histoire de mon papa. Il était beau, il était grand, il était fort et je l'aimais. Il est mort à la mer. À la mer, il s'est baigné. Les méduses allant dévorer. Elles étaient belles, elles aussi. Mais ma maman, elle adorait. Elle riait, elle kiffait. Elle aimait beaucoup sa maison, son pognon et même tout ça. Et moi je dis maintenant, j'aimerais beaucoup avoir un papa. Un papa qui m'aime tant. Aussi beau, aussi fort. J'aimerais beaucoup qu'il me serve fort. Quand il me met dans les cabinets, j'adorais beaucoup car j'étais pas seul. Il était toujours là près de moi. Nu contre le mur, il me serra. Pénétrant délicatement, mon anus se dilatait. Je sentais non, mon anus dilaté. Qui voulait revenir au moment. Dilate-moi mon anus. Ça peut être changé. Alors je vis avec maintenant. Mon papa m'a pas violé. Ouais, allez. Un as de génitrice. Un as de génitrice. Quand il avait envie d'uriner. Grosse vache. C'est bon ça, allez. Vas-y fort, vas-y très fort. Et l'urine passe anorexique. Le soleil, lui, rouge sous fond rouge. Ouais, vive le fascisme. Développement personnel de merde. Ouais, vive le racisme. Égoïsme de merde. La pensée. Ouais, vive le sexisme. Ouais, le sexisme, ouais, c'est bon ça. Allez. Vas-y, Bouya, vas-y. Vive la nécrophilie, ouais. La nécrophilie, c'est super. Ouais, la nécrophilie, c'est super. La nécrophagie, c'est pour quand ? Mon papa à moi, c'est son hommage, parce que lui, il peignait. Il faisait de beaux paysages. Et on va finir par manger des microbes. Il y en a partout, des microbes. Le monde était merveilleux. Il fait des rimes sans le savoir. N'est pas un con, mais... un sous-jacent périlleux mouvement qui mène à une existence périlleuse et qui le feu et sang que le brûle et que je ne suis plus que le paysage qui se ternise par des couleurs qui fondent à leur tour. Donc mes yeux brûlent et je persiste à mourir petit à feu. Je ne suis qu'un petit cafard, qu'une pierre qui résiste au monde qui s'éternise. Et moi je hurle au fond de moi, mon corps brûle et je ne veux plus car mon père m'a quitté et me viole plus. Et non, ce n'est pas cafard. une simple ironie du sort ou une forme de psychologie moderne, car je ne suis plus que des gens qui ont pensé à ma place, alors maintenant je suis malade et mon cerveau brûle. Le feu, j'aime ça, j'ai même fait brûler grand-mère. Je ne fumerai pas avec toi, car tu n'es qu'une indienne. Et moi, l'Amérique, j'aime ça, j'ai adoré que les bisons brûlent, eux aussi. Le feu, c'est trop bien. Trop de chefs, pas assez d'indiens. Tuer les chefs, tuer les indiens. Porcon papa, papa était un grand chef. Il était ni indien ni américain, mais l'Amérique lui aussi il aimait bien. Les Français, ils aimaient aussi, et moi j'aime encore. Mon corps, j'adore. Je me touche tous les matins. Mes couilles, j'adore. On s'arrête. Je lui laisse pas le temps. Coup de surin à la face. Il crie comme une lait, je m'acharne sur le visage, perdre la face, ta face. C'est l'horreur, en vrai c'est le pied. Pisse le sang, il pleure, le sale froid électrique de la lame, toute ma haine, joie du nécessaire, montée flash. Je lui mets tout ce que je peux dans les couilles. Je sais pas, 20, 30 coups, je sais pas, peut-être plus, peut-être moins, tant que je peux, ma haine, la rage, toute ma frustration, la pointe, le pointé, ici ça va vite, je l'attache au volant avec des pinces, parle-moi de mes rotules, je vide 2 litres de sans-plomb sur lui. Je lui molle. Vous avez pas qu'à naître. Putain. Humanitaire, t'es qu'une petite bourge. Saloperie de merde. De que je suis. Vite, crevez, crevez. Crevez, ça faisait péru là. Zou. Sous la douche. Les crevez tous. Tous les abcès péru là. 180 degrés, balayette. Ça tourne dans la tête. Allez. Une droite au plexus. Ouh. Solaire. Sternum broyé. Je finis au pibis. Ça rase. Je me finis au pipi maintenant. Faire sportif. T'as vu maman? Ouais, c'est ici qu'on fait des mutismes. Ouais, on fait du chiasme optique. On fait du reflux tendanciel. On fait du nervux. Et c'est fou comme quoi le commencement, il s'approche beaucoup et il se pèse à la fin. Ok, pokey. Pokey du wokey chick. Quand vous me faites la bise prochainement, vous sentirez une odeur de merde. Réanimation, c'est pas désigne. Un nègre en pyjama vert, entubé, le souffle rare, mais toujours cette dignité, ce truc insigne du survivant d'un peuple de survivants d'un holocauste nié. L'aide-soignante était nègre, le brancardier était nègre, l'infirmière antillaise était noire, le médecin iranien, service public hospitalier au complet. Privé, privé de tout, soutien du précaire, où le florilège d'un peuple torche le cul d'un autre peuple que l'humain dérange. J'avais honte de l'avoir raté, aussi conne qu'être en panne sous la pluie. Pas un scrupule, pas un. Plomber un facho raciste sexiste macho du ghetto, salvateur, libidineux, crever. Agent de la CIA, Zession Al-Qaïda, imam qu'il était, était, parce qu'il n'était plus, tu démontes, Tu graisses, tu nettoies, t'essuies, tu remontes, t'approvisionnes, se venger de l'innocence, prendre une cible au hasard, ne pas trop en faire, faire vite, marcher, traquer, armer, viser, tirer, un coup à la lunette, dégager, ne jamais revenir sur les lieux. Je jouis presque. Elle a une chatte comme les autres. Ouais. Elle a bu la ligue à la vôtre. Un de moins. J'en veux deux, docteur. Je jouissais, je bandais. Une femme est un homme comme les autres. Jean Ferrat, t'es une salope. Ouais, ma France à moi, elle n'existe pas. Ah. Navigation à vue. B. C'est le rideau. Oui, c'est le rideau. Le rideau de merde. C'est nous, dans la glace, qui font ton. Il faut abandonner. Abandonner les postes. 2000 calories. Quitter le front. Deux chargeurs. Une arme. Laissez tomber. Tapis rouge et langue de bois. C'est la part. Chargé. La part. Déchargé. De foutre. Des colis. On va crever, attendez. C'est toujours se remplir, se vider. L'âme, le corps, l'essence. Laissez tomber. Va se vider cette salope. Laissez tomber. C'est pourquoi j'erre. Je suis la provoquer. Salope. Je la suis. Le dégoût. Je la vois. C'est moi. Je vais la tuer. La provocation de c'est ces chiennes faute. En tenue d'esclave. C'est pas ma faute. C'est la sienne. Alienation choisie. Elle avait qu'à pas faire ça. Comment arrêter d'arrêter de boire? Parce que j'ai remarqué que la dernière fois, j'avais presque réussi, tu vois, à permettre quoi, la permissivité, tu vois ce que je veux dire. Et donc je me disais que, permissivité, va te faire enculer. Or, mein Gott, la France est libre et je ne suis pas libre dans ma tête. Merde. Pourquoi? Pourquoi pas? Après tout. Bon, j'étais en train de dire que l'émission Nuisance était une émission hautement intellectualisante, de passion inopinée et transfigurée par le Christ. Hein, crucifié, hein, crucifié le Christ, hein, crucifié le Christ, oui, vas-y, oui. Le premier danger des enfants, c'est leurs parents. Oui, plus fort, t'es vraiment quelqu'un de formidable. J'ai trop abusé du palfium. Elle me soupçonne. Social traite. Maurice Thorez. Pire. Je me souviens plus de ça. Je me souviens plus de la fin. Ah, je me souviens plus. C'était la fin, la fin, j'ai faim, merde. Je me souviens plus de la fin. Je me souviens plus de la fin. La fin, qu'est-ce que ça fait, la fin? Quand on a vraiment faim, ça fait mal. Je me souviens plus. Il faut que j'arrête de manger, vite, vite. J'arrête de manger maintenant. Il faut que je me souvienne ce que ça fait que d'avoir faim. C'est important. C'est important pour mon être tout entier. Je veux dire, il faut que je sorte en osmose avec mon corps. Pour créer un enfant. Je veux un enfant, oui, Dieu. Dieu, aide-moi. Aide-moi à avoir un enfant. Dieu, je t'aime tellement. Oh, laisse-moi te baiser, Dieu. Ah oh, oui, laisse-moi te tuer, Dieu. Ah, je veux un enfant. Dieu. Scum Manifesto. Scum Manifesto. Valérie Solanas. Ouais. Ni bon ni mauvais. Ah, c'est mauvais, c'est mauvais. On recommence tout. On recommence tout. Voilà, on recommence tout. Ça y est, c'est bon, on peut y aller. Ouais, Voilà, c'est bon, on peut y aller maintenant. La suculture, ouais, c'est le futur. Merde. C'est dans la Bible. Merde. C'est la merde. On comprend rien, c'est ça. Je sais, j'adore. Vas-y, rappeuse, papine! Non, graneuse, ma pipe! Putain, ça fait deux fois, mec! Deux fois, j'en peux plus maintenant! J'en ai marre de tout corriger! C'est toi que je vais corriger, t'entends? Non, pas moi! Oh, si, toi! Bon, je te prends, je te corrige, tiens! Ah oui, oh non, arrête de me corriger! Oui, c'est bon, d'accord! Moi, je voulais être becqueté en baby blues! En fait, ouais, je voulais être à maman! En fait, moi, à maman, je veux être mangé! C'est vrai, en plus! Mangé par un bébé. Pas mort là, non. Prends le bébé, fais manger maman, le mec par le bébé. Qu'on me prépare pour le soleil. Pas forcément par mes amis, mais tu vois ce que je veux dire, pas de délire là-dessus. Non, se faire manger par les gamins. Genre mes choux, par les quoi, gamins dans les cantines. Ouais, genre. Ou peut-être comme dans les cantines. Tu sais, le haut, l'eau comme les lapins, tu fais le haut en civet et l'arrière en rôti. C'est la petite brûlante. Tu vois, genre tu fais. Vous voyez privé avec vous-même. Pardon, les intestins. Ah ouais, les intestins. Comme tu manges une bête que tu crevez les bêtes. Tu n'as pas mal. Crevez se laver, crevez papa, crevez maman, crevez nos gamins, crevez les. Ce sont des abcès purulents. Il faut les crever, ce sont de représentations. Celles sont donc faussées par la représentation elle-même. La représentation n'est pas la réalité des choses. Vous devez crever, crever, crever les abcès purulents. Crever, crever, crever, crever les abcès purulents. Vous devez crever, crever, crever, crever les abcès purulents. Les abcès purulents, les abcès. Up and down, up and down, you gotta go up and down, up and down. Mistake, mistake's all about the fault, you know. C'est la faute à qui? C'est la faute à papy. C'est la faute au kiki. Obéissant. Cliché de l'être non neutre, oh néant, oh mon dieu, oh, oh blasphème, blasphématoire, entité, tu dois crever, oui, crever les. L'important c'est pas d'avoir une grosse bite, c'est d'avoir des couilles. C'est d'en avoir une large. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, t'as raison. À nos époques de libération sexuelle, là c'est vrai qu'il y a une. Non, mais là il y en a marre, c'est les grosses. Parce que moi je suis pas d'accord, c'est la grosse, les longues, les grosses, les gros, les grosses, les salopes, les salauds, les putes, les pues, tout ça c'est de l'abcès purulent. Alors crevez, crevez, crevez les abcès purulents. Crevons la crevure du cul des râles, des chattes débitées. Des bites enchâssées. Des chabes, des terreaux des tités. Mon but est de politiser l'obscénité. Like the same thing. Si on pornographiait le politique. Ouais, si on baissait le volume. Tu vois ce que je veux dire, ça fait un peu fausse culture. Ouais, tu vois, j'en ai marre, allez, vas-y alors. Vas-y, ma gueule, tu vois, ma gueule, ouais, j'en ai marre, ma gueule, tu vois. Oh, mieux, mieux. Empire, regarde. Non, j'en ai marre. Empire, c'est pas possible. Ouais, ouais, ouais. C'est pas ce que tu dis. C'est pas vrai ce que tu dis. Oh. C'est pas juste, tu vois. Alors ce que tu dis, tu dois arrêter de le dire, tu vois, parce que c'est pas juste pour moi. C'est important que je me fasse chier vraiment et que t'étais trop intéressant. Tu comprends? C'est moi. Ouais, c'est à propos de moi, tu vois. J'aurais pu faire un, comment ça s'appelle, un feuilleton radiophonique. Hein. Toi, c'est un fœtus moi. Et si on moi dirait qu'au juré, comment ça s'appelle, au feuilleton radiophonique. En toi, toi, en moi. La capacité de croître vers le nord, pourtant moi le sud-est, mouvement vers 80 degrés, nord, nord, sud-est. est toujours possible en fin de... Dieu existe, le reste est vrai. Le premier lot de la deuxième cafetière est à droite. À droite, le deuxième lot de la première cafetière, quelqu'un, 24 euros, 24, 23 euros, peut-être quelqu'un, 23 euros, 22 euros 50, la madame 24, en 24, rose. 24, 24 22 euros 50, 24 24, la dame en noir. Elle l'a, ça y est, la cafetière Ménélux, vendue. Merci, merci, c'est trop massif. J'ai vendu ma cafetière, allez vous faire enculer, j'ai fait mon chiffre. Ah, j'en ai mis à la foutre des quotas, c'est bon, allez vous faire enculer, le reste vous pouvez foutre au cul. Ciao. La cassure a fait une fissure dans la coque. Mon cerveau défaille et les neurones s'entrechoquent. Un embouteillage sismique fait déplacer mon véhicule. Mon corps continue dans l'immensité universelle et inconsciente de l'homme. Ah, l'humain, l'être humain, parle-moi de l'être humain. Parle-moi de ma rotule. Le mouvement interstellaire influence chacun de mes gestes. Me voilà enfoui au fin fond de l'univers. Un voyage que nous allons tous ensemble exécuter à l'instant. Bon. Oui. Allô. Allô. C'est pour le B87. Allô. I got the 89 on my tail. Vous avez dit oui. Oui. Allô. I've got the 89 on my tail. I can almost hit it. Allô. Mais que se passe-t-il? Roger. Allô. Shoot the tail. What? Allô. Shooter la queue. Mais mon commandant. Allô. Oui. Vas-y. Shoot la queue. Avec le liquide vert, verdâtre. Oui. Donne-lui du sébum d'animal verdâtre. Après la genre porte bébé. Droite, tourne à gauche. Tu trouveras un dans verrou la queue. Verrouillé. Oh oui, commandant. Tu pénétreras la clé commandant. Et ouvriras cette porte. Je vous aime tellement, à partir de ce moment, la fenêtre qui grande ouverte. Prenez-moi par le cul. Tu t'y jettes. Et là, une piscine. Mais c'est interdit par la loi. Et là, tu sors. Non, ce n'est pas interdit. On peut se pratiquer, commandant. Et là, tu trouves une autre porte. Cette porte n'est pas verrouillée. Tu tournes la poignée. Pierre le tenant. Et tu dis bonjour à tous ces gens-là. Maintenant, tu continues. Mon Pierre le tenant, marie-moi. Tu tires les rideaux. Tu arraches les rideaux. Tu les prends. Tu t'en sers comme parapluie. Parachute. Parachute. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas, non. Tu m'as trompé. Tu as été celui que j'ai aimé pendant tant de temps. Mais ce temps s'est défilé. Maintenant, tu t'es transformé en une sorte de carcan social qui n'existe plus, qui me démine plus. Je ne veux plus être celui que tu as cru être. Non, je ne suis pas un homme, je suis une femme. Je ne veux plus t'entendre. Arrête. Oui, je le veux. Je veux un enfant. Tu veux qu'on fasse un enfant? Please, baby. Je veux un enfant. Joël, oui. Arrête. Je veux un enfant. Je veux un enfant. Arrête. Je veux. Arrête. Oui, je veux un enfant. Un enfant d'enfant. Un enfant avec des enfants. Plein d'enfants. Et une grand-mère. Moi, je veux faire de toi une arrière-grand-mère. Oui, tu vas être une arrière-grand-mère. J'en suis capable. Tu seras pas vieille. Depuis que tu en es, tu ne seras pas vieille. Car tu seras jeune mais vieille en même temps. Dans mon cœur, tu seras toujours jeune. Je t'aime tellement, tellement, je t'aime. Mon corps décrépit continue et je meurs petit à petit dans mon lit. Ce cercueil constitué de draps blancs. Constitutionnel. Une infirmière pénètre dans la salle. Elle est souriante et épanouie. Elle commence délicatement à m'ôter cette couche qui me sert de récipient à excréments. Excrémentation. Elle est belle. Je la vois, mais je ne peux lui parler. Ressens le manque. Je suis jeune au fond de moi, mais mon corps décrépit continue à s'immaculer. Ah oui, concept brasse, le lion. Tu vois le fion? Oui, je pense à la réincarnation. C'est moi la réincarnation. Spock, calme-toi. Parle-moi de mon fion. Parle-moi de ma rotule. Vas-y. Parle-moi de mon fion, mec. Non, moi ce que je voulais savoir, c'est pourquoi on chie en fait. Pourquoi ça se fait qu'on chie? Parce que si on mangeait pas, on chierait pas. Pourquoi on mange? Pourquoi vivre? Pourquoi mourir? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Le démon de France Culture t'a repris, mon pote. Tout à fait, je te l'accorde. Tu dépasses les limites là. J'ai dépassé les bornes, excusez-moi si c'est nuisance, c'est pas une émission de merde comme je fais tout le temps. C'est quelque chose de spécial. Si, si, c'est une émission de merde. Mais pas comme je fais tout le temps. Ah ouais, non mais je veux bien que je vous dérange, hein. C'est l'émission Nuisance sur Canal Sud qui... Est-ce que tu pourrais partir s'il te plaît? Ouais, qui se perpétue parce que l'émission d'après, donc Love Black Music qui vient d'arriver dans quelques instants, ils sont en train de se délecter de victuailles que Nuisance bien sûr, ou le Canal Sud, ou Dieu, ou qui sait quoi, ou qui, a déposé en leur faveur la manne céleste quoi, tu sais, qu'ils ont trouvé sur le radiateur en rentrant dans la chambre à gauche au fond. Pat, ceci est un pat, échec et mat, je ne crois pas, non, ce n'est pas encore. Pour vivre la Belgique libre et gratuite. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Elle est toujours libre, tu sais. Libre et gratuite. C'est la vérité vraie. J'ai vu l'horizon doré. C'est vrai. La beauté de ce monde. Oui, mes frères et sœurs, suivez-nous. Ah, pff, oh, pardon, excusez-moi. On recommence à zéro. Oui, parce que pour la vidéo, en fait. Non, arrête, si tu fais évangéliste, fais gaffe au plafond, quand même. C'est triste de tomber sur la tête. Non, mais j'ai pété à l'instant. Je ne suis pas un évangéliste. Un évangéliste ne pète évangéliste. Pas. Salon évangéliste. Un évangéliste ne pète pas. Monsieur, calmez-vous. Chut. Si j'arrête, t'arrêtes. C'est celui qui dit qui est. Ouais, je suis une merde. Ouais, j'ai gagné. Je suis une merde. Vous êtes rien, vous. C'est la fin de l'émission Nuisance avec Chromagal, Nathan Ra et Al aussi. Et on vous remercie. Donc nous étions le, si je ne m'abuse, le 20 avril 2012. Il est approximativement 23h27 et 10 secondes. Et c'était Nuisance, l'émission de toutes les nuisances, l'émission qui nuit au sens sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net, Canal Sud, donc une radio au 40 rue Alfred Dumeril, un téléphone, le 05 61 53 36 95. À Toulouse, 31 400, Midi-Pyrénées, France, la Terre. Merde, faut que je recommence tout. C'est tout acheté. C'est tout acheté. Pourquoi pas, Pétain?